L'hiver vient tôt au fort de Joux. Et novembre amène ses bises glacées qui dévalent tout un continent pour affûter la lame de leur froid. Pierre vaque à son service. Mais une part de lui est restée devant la cellule du prisonnier d'État. Quelle histoire! Quelle vie derrière la présence qu'il a sentie quand il se cramponnait, honteux, au barreau de fer. Prudent, il ne demande rien. Mais il guette. Il écoute. En vain. Car sur ce prisonnier, le secret tient. Il y a bien eu du mouvement autour de lui. Courant septembre, un général est venu de Paris rien que pour le voir. On dit aussi qu'un prisonnier noir, un autre, a été transféré du fort à un port lointain. Mais tout cela ne fait qu'épaissir le mystère. Tout à ses pensées, Pierre entre à la conciergerie et remet distraitement le trousseau de clés à son père. L'invalide est d'humeur mélancolique. Il regarde son fils, perçoit son trouble et contre toute habitude, passe lentement la main dans les cheveux de l'enfant. Pierre ne bouge ni ne respire, surpris d'un traitement si inhabituel. Puis vite, très vite, sans réfléchir, il lève les yeux vers son père. « Papa ?»« Ouais ?»« C'est qui l'homme noir dans la cellule d'en bas ?» La main du père se contracte nerveusement sur une touffe de cheveux. « Qu'est-ce que tu dis ? Qui t'a parlé de cet homme ?» Pierre ne répond pas. Le père lui secoue la tête et rapproche son visage, métamorphosé, les yeux plissés, les lèvres pincées et d'une voix sifflante. « Grand Jean me l'avait bien dit. Mais comme c'est un mauvais, je ne l'avais pas écouté. Tu joues avec le feu. » Écoute-moi bien, je ne te le répéterai pas. Si j'entends parler, ne serait-ce qu'une fois, d'un manquement à la consigne de ta part, de nature à mettre ma place en péril, je te le ferai payer de telle façon que des deux, après l'invalide, ce serait toi. Si son père ne le maintenait pas aussi fermement par sa seule tignasse, Pierre tremblerait de tous ses membres. Le père ne relâche pas sa pression et continue, quasi haineux. Pour celui-là, la consigne est la plus stricte. On ne le voit pas. On ne lui parle pas. On n'y pense même pas. Il est déjà hors du monde des vivants et doit être un mort sans mémoire. La place d'un pareil sauvage est entre nos quatre murs comme dans une tombe. Et nous devons à ses victimes d'être, autant que ses gardiens, ses fossoyeurs. Le premier consul a justement rétabli l'ordre des choses. Les esclaves dans leurs fers, les sauvages, ces demi-bêtes entre eux, loin de nous, loin de chez nous, et au premier des rebelles, des séditieux, des assassins, des pilleurs, celui qui a soulevé les îles, massacré leur pacifique population, bouleversé le commerce du pays et pis encore, qui a voulu amputer la nation d'une de ses terres, à ce barbare retort revient d'être effacé du monde. Et c'est là toute notre tâche. Pierre n'a pas bronché. Le père le considère d'un œil vide, reprend son souffle et dit finalement, comme étonné, « Et si on laissait faire tous ces sauvages, avec quoi sucrerais-tu ton lait ?» Puis il relâche son fils et d'une gifle molle clôt un discours qui semble l'avoir épuisé. Pierre file. sans demander son reste.